Pourquoi tant de crainte? Pourquoi tant de frayeur? Pourquoi alors remettre en question notre amour? Que vois-tu en l'avenir qui te fasse si peur? Pourquoi cherches-tu donc à compliquer toujours? Je m'étais habitué à le voir affronter ces manifestations de ta cyclothymie, attendre patiemment ton moral remonter et profiter enfin d'une nouvelle accalmie. Je ne peux te promettre des monts et des merveilles, ces promesses faciles que l'on ne tiendra pas, se noient dans la mer comme des messages en bouteille. Je sais bien que d'autres usent de telles affaires. Je m'étais habitué à le voir affronter ces manifestations de ta cyclothymie, attendre patiemment ton moral remonter, profiter enfin d'une nouvelle accalmie. Je voudrais persister avec ma loyauté dans cette rude bataille qui me mène vers ton cœur, même si je dois subir tous les plans noyautés par un esprit retors qui se bat sans honneur. La lutte est inégale et toi seul peux trancher, stimulant parfois l'un, retenant parfois l'autre, et tu ne sais même pas où il faut te ranger. Secoué par la vague de l'amour qui est nôtre, je m'étais habitué à devoir affronter ces manifestations de ta cyclothymie, attendre patiemment ton moral remonter, profiter enfin une nouvelle accalmie.